Nouvelle 8, les mouflons. Un beau matin, ou plutôt une belle après-midi, car c'est un journal du soir, les abonnés et acheteurs au numéro de l'Indépendant du Loing purent lire dans cet organe le palpitant fait divers qui suit le scandale du café de la Poste. La petite ville de Tout à l'œil, ordinairement si paisible, a été réveillée cette nuit vers 11h30 par un vacarme inexprimable qui semblait provenir de l'intérieur du café de la Poste. Cet établissement, tenu par le sieur Tator, Victor, a toujours été considéré comme le plus paisible et le plus convenable des cafés de Tout à l'œil, et l'on s'étonna à bon droit du bruit insolite qui s'y produisait à une heure aussi avancée de la nuit. Immédiatement averti, monsieur le commissaire de police ceignit son écharpe et vint cogner à la porte de l'établissement délictueux, sommant le patron d'avoir à lui ouvrir au nom de la loi. Ce magistrat n'obtint à sa sommation qu'un redoublement de tapage produit par des bris de table, de verre, de soucoupe, de bouteilles et en général de tous les objets qui concourent à former le matériel d'un limonadier. On eut recours aux grands moyens et un serrurier, le nommé Sarcey, ouvrit la porte du café de la Poste. Les assistants eurent alors lieu d'assister à une scène intraduisible et des plus déplorables. Deux honorables citoyens de Tout à l'œil, messieurs Haut de la Duisse, colonel de hussards en retraite, et le roi d'Atou, ancien négociant, étaient aux prises, poussant des rugissements sans nom, écumant, frappant le sol du pied, faisant voler dans leur direction réciproque tout objet qui venait à leur tomber sous la main. Dans son comptoir, terrifié, blême, Madame Tator, qui semblait ne rien comprendre à cette scène, s'occupait principalement à se garer des éclaboussures de cette lutte innommable. On apercevait au fond, dans la cuisine, le patron de la maison, M. Tator, Victor, dont la mine défaite et hagarde faisait peine à voir. Le pauvre homme s'était réfugié dans un coin et paraissait souhaiter vivement la fin de ce scandale. Le commissaire de police, assisté de deux appariteurs, tenta de s'interposer entre les combattants. Mais ces derniers, dont la fureur décuplait les forces, eurent beau jeu de ses fonctionnaires et les rejetèrent brusquement à une distance assez considérable. On renonça dès lors à toute intervention. La lutte prit bientôt fin. M. Leroy d'Atou se précipita tête baissée, avec une violence peu commune, sur l'estomac du colonel. Cet ancien officier supérieur chancela et s'en vint choir sur un amas de verre brisé qui lui fit d'assez cruelles coupures. À la grande stupeur des assistants, M. Leroy d'Atou se précipita, se rua même sur Mme Tator et l'enlaçant dans ses bras, l'enleva et disparut vers la porte qu'on avait eu l'imprudence de laisser ouverte. Quelques minutes plus tard, il était disparu dans la nuit. Quant au colonel, il refusa énergiquement de se laisser penser et au milieu de ses rugissements, on pouvait distinguer ces mots « Je te retrouverai, sale Pékin de mouflon !» Ces paroles incompréhensibles nous autorisent à attribuer cette aventure regrettable à un double cas d'aliénation mentale spontanée. À l'heure où nous mettons sous presse, M. Leroy d'Atou et Mme Tator n'ont pas encore été retrouvés. On les suppose enfoncés dans les bois de Saint-Polyte. Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur cette curieuse affaire. M. Oscar de la Duisse et Hector Leroy d'Atou étaient fort liés. Une vieille habitude réunissait au café de la Poste l'ancien colonel et le négociant retiré qui se livrait aux douceurs du piquet et des dominos. Ils lisaient aussi les journaux de Paris, alternativement, se passant l'un à l'autre chaque feuille après qu'ils l'avaient lu. Souvent, ils appelaient leur mutuelle attention sur tel ou tel article de tel ou tel journal. C'est ainsi qu'un jour, le colonel recommanda vivement à l'ancien négociant un article relatif à la découverte, récente alors, du docteur Brown Secar. « Hein, pourtant, si c'était vrai ?» Et les voilà tout rêveurs, les pauvres vieux. Car ce n'est pas seulement des affaires qu'il s'était retiré, M. Leroy d'Atou, et lui, le colonel, ce n'était pas seulement comme serviteur de Mars qu'il avait pris sa retraite. Mais, ainsi que l'a dit le chansonnier, on a toujours 20 ans dans quelques coins du cœur. Eux, c'était dans tous les coins du cœur qu'ils avaient 20 ans, du cœur seulement, hélas. Tous les deux, ils représentaient un brillant passé d'amour et de volupté. Lui, le colonel, avait cassé des cœurs par milliers, tant de cœur et tant de cœur, que son marteau s'était usé. Et puis, il lui semblait, illusion sénile, que les cœurs d'aujourd'hui étaient plus durs que ceux de naguère. Vieux serin, bah. Quant à M. Leroy d'Atout, il n'eut jamais la réputation d'un coureur, parce que sa profession lui permit d'avoir sous la main tout ce qu'il lui fallait pour aimer. Il adorait les rousses, et dans ses vastes ateliers et magasins de la rue du Sentier, Oncq ne parut la plus mince employée, blonde ou brune, toute couleur de feu. Cela amenait d'étranges incidents. Quand ces demoiselles se mettaient ensemble aux fenêtres, les passants, non prévenus, éprouvaient d'abord l'illusion d'un terrible incendie, et ce n'était qu'à la suite d'un examen approfondi que ces messieurs s'apercevaient de leur erreur. Et même un jour, un passant zélé courut prévenir les pompiers de la rue Jean-Jacques Rousseau. Ces modestes héros arrivèrent en grande hâte dans leur voiture à musique. Attirés par ce bruit, les demoiselles de la maison Leroy d'Atout n'eurent rien de plus pressé que de se remettre à la fenêtre. Justement, c'étaient des pompiers myopes qui, victimes de leur méprise, arrosèrent de toutes leurs eaux les fulgurantes fillettes. Si c'était vrai pourtant cette invention de Brown Sequard, et ils se prenaient tous les deux à contempler, avec en leur prunelle, Dieu sait quelle luisance, la belle patronne, trônant à son comptoir, superbe, très brune, un peu mûre, mais savoureuse en diable et des yeux. Si c'était vrai, pourtant. Et ils causèrent d'autre chose, distraitement. Au fond, ils pensaient comme c'était drôle, avec une injonction de cochon d'Inde, de lapin ou de chien, de recouvrer la suprême joie de pouvoir. À quelques jours de là, le colonel recommanda aux négociants la lecture d'une de ces petites chroniques de la France où le père Fulbert Dumonteil passe en revue les mœurs de tous les animaux, depuis la saule au gratin jusqu'à la panthère des Batignolles. Cette fois, il s'agissait d'un mouflon, animal cher à Bergerat. Ses amours sont ardentes et jalouses, presque aussi formidables que ses colères. Quand vient le printemps, le mouflon se forme un harem au milieu des myrtes verts, des bruyères roses, et malheur à l'audacieux qui oserait s'approcher. Chez les mouflons, la guerre se mêle toujours à l'amour. Ce sont des combats homériques, des luttes épouvantables. Le sol résonne sourdement sous les pieds des ribauds, et l'on entend au loin le cliquetis des cornes qui met en fuite les aigles et les vautours. Sic. Parfois il y a égalité de vigueur et de haine. La lutte reste incertaine, la victoire indécise. Les mouflons, épuisés de fatigue et de rage, s'éloignent comme à regret de ce champ de bataille et d'amour qu'ils ont arrosé de leur sang. Mais ce n'est que partie remise. En disparaissant derrière les rochers, ils s'arrêtent et se menacent des cornes, frappant la terre du pied et semblant dire « Nous nous retrouverons au prochain printemps. »« Sangue et vendetta. » Hein ? Conclut le colonel. Quels amoureux! Monsieur Leroy d'Atout eut une idée. Si Brown Sequard se servait du mouflon pour ses injections, ce serait peut-être drôle. Dans le courant de la semaine suivante, s'ouvrit la foire de tout à l'œil. Un des clous de cette foire, la ménagerie corse, tenue par un sieur Capazza, possédait un mouflon. La même idée vint au colonel et aux négociants, qui eurent le plus grand tort de s'en cacher mutuellement. Le rusé dompteur fit coup double. Le pharmacien de tout à l'œil, lauréat de l'École supérieure de pharmacie de Paris, prépara, avec une discrétion au moins égale à son bénéfice, la mixture conforme aux plus récentes indications de Brown Sequard. Malheureusement, la fatalité voulut que ces messieurs s'en servissent le même jour.